toi, le feu qui purifiait des troncs. Toi, le feu qui vient des entrailles de la terre, des planètes sidérales, du cœur des volcans, comme une des étoiles célestes, toi qui culmine aujourd'hui ma version de l'homme. Toi qui participes à toute la guerre de tous les temps. Toi qui sais aussi devenir pacifique et domestique, que tu sois, selon notre exhortation, complice de grands travaux de la création. Et comme le Dieu donne la vie à l'argile, transmuter un homme, il se fait à cette eau et à cette terre, en souffle.